Chapitre 27e, Freshwater Gate. Le comte Pateroff, le père de Sophie, était un homme qui, une fois qu'il avait entrepris une chose, tenait à la mener à bonne fin. Cette disposition est, il est vrai, commune à tous les hommes, mais le comte la poussait à l'extrême. Et vu qu'il ne mettait pas à la fois plusieurs fers au feu, ne s'usait point en petits efforts, n'en faisait pas de grands hors de portée, il avait quelque droit de compter sur le succès. Autre chose était le pauvre Archie, quiconque l'eût connu, comme la femme à qui il avait affaire, ou même les femmes en général, n'eût pas hésité à prédire le mauvais succès de sa recherche matrimoniale. Même avec l'assistance de Boodle, il ne pouvait manquer d'être distancé. Mais quand le comte Pateroff entrait en lice, il eût été hasardeux de parier contre lui. Le prix valait la peine d'être disputé par un homme aussi avisé. Il était d'une nature plus réservée que sa sœur. Il ne se montrait pas aussi ébahi qu'elle, ni aussi en appétit devant les 7000 livres de revenus. Mais avec son air tranquille, il avait supputé tous les avantages, s'était même assuré que le contrat de mariage de la dame ne renfermait aucune clause à son détriment, pour le cas où il viendrait à convoler en seconde noce. Il était allé jusqu'à s'informer du taux auquel il pourrait faire assurer la vie de Lady Ongar. Il avait, comme nous l'avons vu, visité Ongar Park, et dans son chemin de la grille au château, aller-retour, il avait regardé avec complaisance tout ce qui s'offrait à sa vue, se disant que l'endroit lui conviendrait très bien. Malgré l'épaisseur de cervelle de beaucoup d'Anglais, il se sentait porté à l'admiration pour le caractère anglais, et il pensait que pour ses vieux jours, rien ne lui conviendrait mieux que la vie d'un gentilhomme campagnard, dans une résidence à lui, surtout si cette résidence à lui était aussi jolie qu'Ongar Park, et avec un non moins joli revenu y afférent. Pour arriver là, la fortune lui avait donné certains avantages, certains moyens d'agir, mais aussi quelques désavantages. Il connaissait la dame, ce qui était quelque chose. Il connaissait en grande partie son histoire, ce qui établissait entre elle et lui une sorte d'intimité. Nous n'avons pas besoin de revenir sur les scènes disgracieuses des derniers mois de la vie de Lord Ongar. Mais le lecteur comprendra quelle partie le comte pouvait en tirer pour sa poursuite, et il se rappelle aussi l'échec qu'il avait subi par le refus de la dame de le recevoir. On supposerait que la présence de Sophie auprès de Lady Ongar aurait pu être un avantage pour son frère, mais je doute que le frère se fiât beaucoup en l'honnêteté et la discrétion de sa sœur. Quelque existence qu'elle eût pu lui donner, il était bien disposé à le reconnaître, non pas à la manière gracieuse d'Archie, avec des billets de banque cachés sous son gant, mais par des engagements réalisables après l'accomplissement du mariage. Mais il craignait que Sophie ne fît pas mystère de ses engagements à la comtesse, suivant qu'il y verrait un profit à faire. Tout calculé, il s'était arrêté à ne faire à Sophie aucune proposition directe, et quand Sophie lui en fit une, en lui amplifiant tous les avantages d'un tel mariage, il lui fit à peine un mot de réponse. « Très bien, » se dit Sophie, « très bien, nous savons tous deux à quoi nous en tenir. » Sophie, si cela eût dépendu d'elle, aurait simplement détourné Lady Ongar de tout ménage. La gratitude d'un père ne valait pas pour elle la générosité d'une amie. Mais faire payer ses services à un soupirant et en même temps empêcher Julie de se marier était une double passe, et cette combinaison ne lui vint en tête que lorsque Archie se présente à elle avec son gant fourré d'argent. C'était le jeu complexe qu'elle jouait maintenant, et elle regardait Harry Clavering comme le principal obstacle à son dessein. Il n'était pas nécessaire d'être aussi fine que Sophie pour s'apercevoir que Lady Ongar était fortement attachée à Harry, et Sophie, quand elle en fut certaine, pensa qu'il ne lui restait plus qu'à ramasser son foin, tandis que le soleil était encore sans nuages. Ce fut alors qu'elle apprit l'histoire de Florence Barton, et elle crut de nouveau avoir la fortune pour elle. Elle raconta donc l'histoire de Florence avec le résultat que nous connaissons, et s'aperçut bien que le coup avait porté, encore que Julie évitât absolument de parler soit de Harry Clavering, soit de Miss Burton. Le comte Pateroff s'était de nouveau présenté dans Bolton Street et de nouveau s'était vu refuser la porte. À la manière dont les domestiques l'avaient reçu, il comprit bien que c'était un parti pris. Il lui fallait donc en abandonner la poursuite ou chercher à agir sur Lady Ongar autrement que par les sentiments qu'elle pouvait avoir pour lui. Il aurait bien compté sur sa propre éloquence, mais cette ressource semblait être perdue. Le rapt n'est plus d'usage en Angleterre ni en Irlande, il ne lui restait donc que la petite poste. Il écrivit. Sa lettre était fort longue et pour cette raison nous ne la donnerons pas au lecteur. Il débutait en disant à Lady Ongar qu'en retour de tous les services qu'il lui avait rendus, elle ne pouvait faire moins que de lire sa lettre jusqu'au bout et de lui répondre. Puis, il lui exposait les diverses raisons pour lesquelles elle devait le voir, lui donnant à entendre, malgré l'ambiguïté dont il se couvrait à dessein, qu'il avait possédé, et possédait encore, le pouvoir de lui faire beaucoup de mal, qu'il s'en était abstenu, et espérait pouvoir s'en abstenir encore à l'avenir. Pris à la lettre, c'était plutôt le contraire d'une menace, presque une promesse, mais elle comprit bien l'insinuation qui se voilait ainsi. Dans tout le cours de la lettre, il n'y avait pas un mot de ses prétentions. Tout ce qu'il demandait, c'était d'être reçu. Mais à la lettre était jointe une incluse plus longue que la lettre même et dans laquelle ses vœux étaient clairement exprimés. Cette incluse était l'expression prétendue des droits de Lord Ongar, désir que dans les derniers jours de sa vie, il aurait communiqué au comte Pateroff. Le manuscrit était de la main de ce dernier. Rien n'indiquait qu'il eût passé sous les yeux de Lord Ongar. Ce n'étaient que des conversations relatées ou imaginées par Pateroff. Mais ces conversations mêmes eussent-elles été confirmées par Lord Ongar, alors qu'il était en possession de ses facultés telles quelles, ne pouvaient quoi que ce soit sur Lady Ongar. À son mari vivant, elle avait dû obéissance et l'avait rendue. À son mari mort, elle ne devait nulle obéissance et n'était nullement disposée à obéir. L'écrit était fort long et entrait dans les détails les plus insignifiants. Partout, c'était de grands remerciements au comte Pateroff et pour refrain, le désir que Pateroff fût son successeur. O disait que c'était le seul moyen de sauver la réputation de J. O disait que son honneur à lui l'exigeait absolument. O me disait en me serrant la main qu'en lui faisant cette promesse, je le soulageais d'une grande anxiété. O m'a donné la commission expresse de parler en son nom à J à cet effet. O, bien entendu, était Lord Ongar et J, Julie. Le tout était en français et avait je ne sais combien de pages. Lady Ongar répondit par le billet suivant. Lady Ongar présente ses compliments au comte Pateroff et lui renvoie son manuscrit qui est sans intérêt pour elle. Elle se refuse, et plus résolument que jamais, à recevoir le comte Pateroff. Bolton Street, mai 1860 et quelques. Elle n'hésita pas en écrivant ce billet. Elle était si sûre de sa décision qu'elle n'éprouva nul besoin de demander un avis. Mais en même temps, elle sentait que le comte pouvait lui faire du mal. Que son calice de douleur pouvait bien être pas épuisé. Elle sentait surtout le besoin qu'elle avait d'amour et de protection. Ce comte pouvait publier ce document. Bien des gens pourraient y voir les sentiments de Lord Ongar et les conseils d'un époux jaloux de son propre honneur et de la réputation de sa femme. Au fond, c'était une menace, et pour rien au monde, elle n'eût cédé à une menace. Mais la menace pouvait être mise à exécution. Au moment où cette lettre la rendait désireuse d'être aimée et protégée, Harry était revenu chez elle et nous savons ce qui s'y était passé entre eux. Elle lui avait enjoint d'aller trouver Florence, d'aimer Florence, d'épouser Florence et de la laisser, elle, à sa désolation. Tel avait été son dernier commandement. Mais nous savons tous ce que de tels commandements veulent dire. Elle n'avait pas été fausse en lui parlant ainsi. Son intention était bien celle qu'elle exprimait. L'ardeur du sacrifice était emparée de son âme. Il s'était résolu à renoncer à ce qu'elle désirait le plus afin qu'un autre pût le posséder. Mais plus tard, laissée à elle-même et à sa réflexion solitaire, elle se dit que Florence Burton pouvait mieux qu'elle se passer de l'amour de Harry. Florence avait un père, une mère, des frères, toute la jeunesse encore. Elle, au contraire, n'avait et ne pouvait avoir aucun bras sur qui s'appuyer, si ce n'est celui du seul homme qu'elle eût aimé, à qui elle eût avoué son amour, et qui lui avait répondu par un aveu pareil. Elle ne ferait nul projet pour enlever Harry à Florence. Même au fond de son cœur, dans les longues heures de solitude, elle ne rétractait pas les dernières paroles adressées par elle à Harry. Et pourtant, elle espérait encore le voir revenir et apprendre de lui qu'il avait rompu ce malheureux engagement auquel elle-même l'avait poussé par son manque de foi. Après avoir répondu au comte Pateroff, elle se décida à quitter la ville pour 3 ou 4 jours. Elle avait d'abord pensé à s'éloigner et à ne revenir qu'après l'automne. Mais peu à peu, elle diminua le temps de son absence projetée jusqu'à le réduire à 2 jours. Alors elle vit arriver Sophie, sa dévouée Sophie, Sophie qu'elle haïssait et méprisait, Sophie dont elle était tellement désireuse de se débarrasser qu'elle ne faisait aucun plan sans y joindre une petite combinaison à cet effet. Sophie qu'elle connaissait pour intéressée et malhonnête. Et pourtant, Sophie, avant la fin de sa visite, s'était fait inviter, ou plutôt s'était invitée elle-même, à accompagner à l'île de Wight son amie inséparable. Sophie, bien entendu, devait être défrayée pendant cette excursion. Sophie l'était toujours de droit. Et Sophie devait voyager avec tout le luxe dont pouvait disposer Lady Ongar, chose qui n'était pas indifférente à Sophie, fort étrangère au luxe dans son chez-soi. En acceptant toutes ces bonnes choses, Sophie n'en prétendait pas moins faire acte de dévouement, se sacrifier à son amie de cœur. Lady Ongar la chargea de quelques mots pour le comte, après l'avoir mise au fait de ce qui s'était passé et de la réponse faite au comte, réponse que Sophie ne manqua pas d'approuver beaucoup. « Vous avez très bien fait, ma chère, très bien fait. Sans doute, j'aime mon frère. Edmond et moi, nous avons toujours été les meilleurs amis du monde. Mais ce n'est pas une raison pour que vous vous donniez tout à lui, fortune et tout. Quel besoin une femme a-t-elle de tout donner ? Edmond est un joli garçon, mais qu'est-ce que cela fait ? Les jolis garçons tiennent toujours à avoir l'argent entre les mains. « Voulez-vous lui dire de ma part, dit Lady Ongar, que je lui serai obligé s'il veut cesser de venir chez moi ?» « Certainement, je ne consentirai jamais à le voir. » Sophie promit de s'acquitter du message et probablement lui tint parole. Mais elle mit aussi le comte au fait de l'excursion projetée, lui faisant connaître le jour du départ, le lieu précis et même le nom de l'hôtel où l'on devait descendre, toute chose qu'on ne l'avait pas chargé de dire. À l'extrémité accidentelle de l'île de Wight, sur le rivage même, à 3 milles du point qu'on nomme les Aiguilles, il y a dans la ceinture de rochers une petite brèche connue de tous les Anglais, voyageurs à l'intérieur, sous le nom de Freshwater Gate. Là se trouve un groupe de cottages et 2 auberges, avec quelques cabines de bain. Autour sont des dunes d'accès facile des 2 côtés, où l'on va respirer la brise de mer avec sa saveur piquante et saline et sa fraîcheur salubre. Ce fut dans une de ces 2 auberges que se logèrent Lady Ongar et Sophie, et bientôt tout Freshwater et tout Yarmouth, et toute cette partie de l'île furent mises en émoi par l'arrivée de cette riche comtesse, sur le compte de qui avait couru de si étranges histoires. Les aubergistes aiment ces visites-là. Plus la réputation est entamée, plus on charge la note, toujours acquittée sans discussion. Une femme riche et compromise est une mine d'or pour un aubergiste. Ce n'était pas tout à fait le cas actuel, mais toujours il y avait dans la position de Lady Ongar quelque chose de singulier, et c'était assez qu'elle fût bienvenue. Dans un tel lieu, Sophie n'était pas la plus agréable société qu'on pût désirer. Pour elle, il n'y avait que Londres. Aussi fallait-il l'entendre déclamer contre les maris assez barbares pour retenir leurs femmes dans leurs terres. Elle n'avait pas non plus de faible pour la mer. En fait devant, elle n'aimait que celui de la discorde soufflée par elle. La salure de la brise lui portait sur ses pauvres nerfs. On était à la fin de mai. Néanmoins, à peine arrivée à l'hôtel, elle avait demandé du feu, et le feu allumé, elle n'avait plus voulu le quitter. Il lui fallut voir son magnifique geste d'indignation quand Lady Ongar lui proposa de prendre un bain de mer. Quoi ? Tremper dans la mer son propre corps, si fluet et si sec ? Elle rentra sa tête dans ses épaules et fut prise d'un violent frisson. Son refus muet fut d'une telle éloquence qu'il était impossible de ne pas l'admirer. Même aversion pour la promenade. Le premier jour, à l'heure la plus chaude de la journée, elle consentit bien à se laisser exposer au grand air dans une voiture de l'hôtel, mais au retour, elle reprit sa place auprès du feu et passait tout son temps à lire un roman français. Lady Ongar avait peu gagné à changer le lieu. La noire anxiété que le vieux poète nous dépeint en croupe derrière le cavalier n'a pas peur du feu, de la locomotive et a son billet de passe pour tous les wagons de toute classe. Avec Sophie en face d'elle, Lady Ongar n'éprouvait pas de soulagement, même en détournant les yeux vers les magnifiques lignes de la côte. Cependant, le soir du premier jour, Sophie la quitta, je ne sais pour quel motif, et elle put rester seule près d'une heure durant. Ah, qu'elle eût été heureuse, si elle eût pu avoir auprès d'elle Harry Clavering. Un jour viendrait peut-être, où elle pourrait revenir au même endroit avec Harry Clavering. Cette fois, la Trakoura restera derrière. Elle resta près d'une heure à rêver ainsi, pendant que Sophie était absente. Sophie, pour s'excuser de son absence, qui avait été assez longue, expliqua qu'elle était restée dans sa chambre, où elle avait eu beaucoup à faire, et que maintenant, elle venait jouir de la compagnie de Lady Ongar. Le lendemain soir, Lady Ongar annonça l'intention d'aller se promener toute seule sur les dunes. On avait dîné à 5 heures afin qu'elle eût plus de temps, et à 6 heures, elle partit. Si je ne suis pas trop fatiguée, dit-elle, j'irai jusqu'aux aiguilles. Sophie, ayant ouï dire qu'il y avait 3 000, leva les mains au ciel avec un air de désespoir. Si à 9 heures vous n'êtes pas rentrée, j'enverrai du monde à votre recherche. Lady Ongar y consentit en riant et se mit en route pour les dunes, d'où elle se dirigea vers la pointe extrême de l'île. Elle laissa de côté les aiguilles. Ces rochers ne sont accessibles, comme le savent tous les voyageurs de banlieue, qu'en traversant le fort, et elle ne descendit pas jusqu'au fort. Mais du point culminant de la colline, elle se dirigea vers les rochers qui étaient à sa gauche et descendit jusqu'à ce qu'elle eût atteint un endroit d'où elle voyait la grève à 300 pieds au-dessous d'elle. Elle s'amusa à regarder les petites vagues qui se jouaient le long du rivage entre le point où elle se trouvait à l'extrémité de l'île. La soirée était tiède, claire et pour ainsi dire lumineuse et d'un calme parfait. On ne sentait pas le plus léger souffle de vent. Assise sur l'extrême bord du rocher, elle écoutait le froissement des galets soulevés par les vagues et à cette distance ce bruit lui paraissait des voix de petits enfants. L'eau, d'une transparence merveilleuse, lui laissait voir les cailloux brillants comme des diamants et le sable comme de la poudre d'or brunie. Et chaque ondulation, en venant mourir sur le bord, comme épuisée sous son propre effort, se propageait sur toute la longueur du rivage. Jamais Lady Ongar n'avait remarqué un tel scintillement sur la rive. Jamais elle n'avait prêté l'oreille, comme en ce jour, au babil enfantin des jeunes flots. Assise sur un banc de craie, elle regardait, écoutait, oubliait pour un moment qu'elle était cette Lady Ongar si méconnue, si délaissée dans le monde, avec Sophie Gordeloup pour seul ami, et pour Armand le fiancé d'une autre. Il y avait une heure qu'elle était là, s'étant fait comme un logis de son perchoir, sur lequel elle avait fini par se trouver très confortablement assise, quand une voix qu'elle reconnut immédiatement la fit tressaillir. Elle fut tout de suite sur ses pieds. « Lady Ongar, lui dit la voix, n'êtes-vous pas bien près du bord ?» En se retournant, elle aperçut le comte Pateroff, la main étendue vers elle, et prêt à la saisir par ses vêtements de peur que la surprise ne lui fût fatale. « Il n'y a pas de danger, » dit-elle en s'éloignant de son siège. Il retira sa main et, la portant à sa tête, ôta son chapeau. « Vous m'excuserez, j'espère, Lady Ongar, lui dit-il, d'avoir saisi cette occasion pour vous parler. « Je ne vous excuserai certainement pas, et je ne vous écouterai qu'autant que j'y serai forcé. Je voudrais vous dire quelques mots. Comte Pateroff, je vous prie de me laisser. Ce que vous faites est une trahison et un manque de savoir-vivre, et ne vous servira de rien. Quel droit avez-vous de me suivre ici ? Je vous suis pour votre bien. J'ai à vous dire quelques mots qu'il est important pour vous que vous entendiez. Je n'entendrai rien de vous, du moins rien volontairement. Depuis longtemps, vous devriez me connaître et me comprendre. » Elle s'était mise à marcher fort vite en remontant la colline, et à un moment, il put craindre qu'elle ne lui échappât. Mais elle sentit bientôt la laine lui manquer et fut obligée de s'arrêter, tandis qu'il reprenait sa place à côté d'elle. Il ne l'avait pu faire sans un effort, et tous deux restèrent quelques instants sans pouvoir parler. « C'est une très belle vue, » dit-il enfin en montrant la mer. « Oui, c'est très beau. « Pourquoi êtes-vous venu me déranger quand j'étais si heureuse ?» Le comte n'avait pas encore repris haleine et ne répondit pas. Mais quand elle voulut reprendre sa marche vers le haut de la colline, il lui saisit doucement le bras. « Lady Ongar, il faut bien que vous m'accordiez un moment. Pourquoi ne pas le faire de bonne grâce ?»« Si vous voulez dire que je ne puis vous échapper, vous avez raison. Pourquoi voudriez-vous m'échapper ? Vous n'avez jamais fait le moindre mal. Au contraire, ne vous ai-je pas défendu contre les insultes ? « Vous, m'avoir défendu, non, jamais. »« Oui, contre votre mari, contre vous-même, contre la société. »« Vous ne savez pas, même à présent, tout ce que j'ai fait pour vous. »« Avez-vous lu ce qu'a dit Lord Ongar ?»« J'ai lu ce qu'il vous a plu d'écrire. »« Ce qu'il m'a plu d'écrire. »« Prétendez-vous dire que Lord Ongar ne m'a pas tenu le langage que je vous ai rapporté ?»« Ne savez-vous pas que ce sont ses propres paroles ?»« Ne les reconnaissez-vous pas ?»« Ah, Lady Ongar !» Vous savez bien qu'elles sont vraies. Vraies ou fausses, qu'est-ce que cela me fait? De toute façon, elles me sont parfaitement indifférentes. Ce serait très bien si c'était possible, mais ce n'est pas possible. Tenez, nous voilà arrivés au sommet, et le chemin va être meilleur. Voulez-vous permettre que j'aie l'honneur de vous offrir mon bras? Non. Comme il vous plaira. Ce n'était que pour votre commodité. Du reste, ce n'eût pas été la première fois. Mensonge! En prononçant ce mot, elle s'arrêta devant lui et le regarda en face, la colère peinte dans les yeux. « C'est positivement un mensonge. Je ne me suis jamais promené à votre bras. » Il lui fit le plus gracieux sourire qu'on peut voir. « Vous oubliez tout, absolument tout, mais peu importe. D'autres n'oublieront pas. Julie, vous devriez me prendre pour votre mari. Étant ma femme, vous seriez mieux et plus heureuse que vous ne pourriez l'être autrement. » « Regardez là-bas, comte Patarov, au fond du précipice. Contre la misère dont vous me menacez, j'ai là un refuge meilleur que celui que vous m'offrez. Ah, voilà de la poésie. La poésie est une jolie chose, et vous la dites divinement. Mais en prose, être mis en pièces sur les rochers, cela n'a pas aussi bon air. Monsieur, voulez-vous me laisser passer, tandis que vous resterez en place, ou préférez-vous vous en retourner seul et me laisser ici ?»« Non, Julie, cela ne se passera pas ainsi. » J'ai eu trop de peine à vous trouver. À Londres, vous me faisiez refuser votre porte. Ici, du moins, vous ne pouvez vous dispenser de m'écouter une minute. Ne savez-vous pas, Julie, que toute votre réputation est entre mes mains? Entre vos mains? Non, jamais. Grâce à Dieu, jamais. Mais quand cela serait? Qu'en arriverait-il? Rien que ceci. Que vous m'obligeriez à jouer les dernières cartes que vous m'avez laissées. Les circonstances nous ont placés tous deux dans une position telle qu'un mariage entre nous et notre seule voie de salut. J'ai promis à Lord Ongar que cela serait, et cela sera. Ou bien vous serez puni pour vos torts envers lui et envers moi. Vous êtes menteur et insolent, mais écoutez-moi, puisque vous êtes là, et que je ne puis vous échapper. Je sais ce que signifient vos menaces. Je ne vous ai pas menacé. Je vous ai offert mon appui, mais ce n'est pas là une menace. Non, pas même quand vous me dites que je suis puni. Mais sachez qu'il n'est aucune punition, fût-il dans votre pouvoir de me l'infliger, que je n'acceptasse plutôt que votre compagnie. Écrivez sur moi tout ce qu'il vous plaira, répétez toutes les histoires que vous pourrez inventer sur mon compte, mais n'espérez pas m'effrayer assez pour en venir à vos fins. Je me sens du courage de reste pour résister à toute intimidation de ce genre. Tel que vous êtes isolé dans le monde, et si cela me convient, alors, vous ne pensez donc pas à vous remarier? Que j'y pense ou non, que vous importe. Mais je ne vous répondrai plus un mot. Si vous me suivez dans mon auberge, ou que vous cherchez encore à m'imposer par force votre présence, je demanderai la protection de la police. » Elle se mit à marcher aussi vite que les forces le lui permettaient, tandis que le comte, toujours à côté d'elle, lui ressassant tout ce qu'il lui avait dit des désirs exprimés par Lord Ongar, de tout ce que lui-même avait fait pour elle, et surtout de la vive affection qu'il lui portait. Mais elle tint sa promesse et ne lui répondit pas un mot. Pendant une heure de marche, côte à côte, pas une syllabe ne sortit de ses lèvres. Elle tenait ses yeux constamment fixés sur lui de peur qu'il n'essayât de lui prendre le bras ou de lui faire quelque autre impertinence. Mais il était trop habile pour cela. Il savait trop bien que ce ne serait pas ainsi qu'il avancerait ses affaires. Il se borna donc aux paroles qu'elle était bien forcée de subir, et s'attacha à l'effrayer du mal qu'il pouvait lui faire. Il ne la connaissait guère, car elle n'était pas femme à se laisser pousser par la crainte à un manège déplaisant. À quelques centaines de pas de l'hôtel se trouve un autre fort près duquel le sentier qu'avait suivi Lady Ongar pénètre dans un enclos dépendant de l'hôtel. Là, le comte la salua et la quitta, témoignant l'espérance de la revoir encore une fois avant qu'elle quittât l'île. « Si cela arrive, dit-elle, ce ne sera qu'en présence de ceux qui pourront me protéger. » Et ils se séparèrent.